Nous allons maintenant avoir l'honneur d'écouter donc Shahla Shafik, écrivain et féministe franco-iranienne. Shahla est membre du Haut Conseil à l'égalité français. Elle est l'auteur de La femme et le retour de l'islam, publié en 1991, puis Femme sous le voile face à la loi islamique, avec Farhad Khosrow-Khawa, en 1995. Ensuite, en 2002, Le nouvel homme islamiste, la prison politique en Iran. En 2011, au PUF, Islam, politique, sexe et genre. Et son dernier, qui est là, Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, paru cette année aux éditions IX. Voilà. Merci. Donc, nous vous remercions. Nous vous donnons 40 minutes. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes fatiguée, puisque quand même... Deux fois 45 minutes, je sais que psychologiquement parlant, le taux de l'écoute des discours, c'est 45 minutes. Donc, vous avez déjà dépassé doublé. Donc, je vous remercie beaucoup de m'écouter. J'essaie de ne pas, en fait, de ne pas être très fatigant, ennuyeux. Et ça, c'est une tâche difficile. Les deux exposés qui ont précédé étaient excellemment faits. Et voilà, maintenant, le seul soulagement, c'est que le sujet est passionnant. C'est le sujet iranien qui est très paradoxal. Et voilà, on revient sur les paradoxes qui ont été d'ailleurs abordés déjà par vous. Vous avez parlé de contexte marocain avec ces paradoxes. Le contexte tunisien, Sophie l'a abordé avec... Voilà, c'est... Il y a beaucoup de similitudes aussi avec le contexte iranien. Et moi, je voudrais vous parler, depuis hier, on a écouté aussi des discours, il y a et plutôt des analyses, et il y a quelques questions qui se sont dégagées, et je vais aborder ces questions sous l'angle de l'expérience iranienne. Merci aux organisateurs, à ENS et à la fondation Montperlin de Suisse, si je prononce bien, parce que je trouve que ce type de débat, la question des femmes, islam et liberté, ne se fait pas souvent. Ça veut dire, en fait, ne se fait pas souvent avec les positions quelque part contradictoires et controversées, parce que le sujet est controversé. Le sujet est controversé par rapport à un monde qu'on appelle le monde musulman, par rapport à une montée de mouvements islamistes qui, depuis les années 80, ou plutôt à la fin des années 70, à la fois surprend, mais aussi influe tous les paradigmes de débat. La question des femmes a une place assez particulière dans ce débat. Comme je l'ai déjà écrit dans Sexe politique et Islam politique, sexe et genre, premier paradoxe, c'est que quand vous allez sur le débat médiatique, sur le débat journalistique, aussi dans l'opinion publique, la question des femmes est au centre de ce débat. Islam politique, sexe et genre. Mais par contre, dans les ouvrages de recherche, dans les ouvrages scientifiques, la question est traitée de manière très marginale. Donc là, si vous avez, c'est ce que j'avais fait dans un livre précédent, si vous allez sur les grandes théorisations par rapport à l'islamisme, vous voyez qu'il y a un petit chapitre concernant les femmes. Alors que quand vous allez dans les expériences concrètes, comme on a vu aujourd'hui, à partir de Maroc, Tunisie, et maintenant avec, moi j'essaye de vous parler de l'Iran, tout en sachant que ma position n'est pas partagée avec toutes les personnes qui travaillent sur l'Iran, avec tous les chercheurs et chercheuses, et c'est pas du tout, je revendique pas non plus le monopole de savoir, mais c'est un débat problématique. Je revendique plutôt une pensée qui questionne, puisque je pense qu'on est plus dans un scénario où on a les réponses, mais Où est la question? Voilà, comme disait Woody Allen. Alors, si vous voulez, les questionnements dans les livres de recherche des grandes théorisations, la question des femmes n'est pas questionnée. La question des femmes est beaucoup plus questionnée dans les médias. Parce que c'est visible. Parce que, et on voit aussi à partir de débats sur le voile, ce qui pose problème, c'est la visibilité aussi. Mais dans l'histoire sociale et politique de ces pays, si on vient à cette historicité, on voit que la question, j'ai fait d'ailleurs un chapitre dans un livre précédent, le voile comme miroir magique de l'histoire sociale et politique de ces pays. Et même ici en France actuellement, ça va devenir le cas à mon avis. C'est que le voile, philosophiquement, si on revient à la philosophie initiale défendue par les savants plutôt islamistes, le voile doit cacher, dérober la femme au regard au regard non halal, au regard illicite. Mais moi, je pense que le voile dévoile quelque part, mais dévoile plutôt la dimension sociale et politique, psychologique, les fantasmes, les réalités, les rêves, tout ce que nous avons vécu. Et ce nous-là déjà pose problème. Qu'est-ce qui est ce nous? Puisqu'on a l'habitude de parler d'un monde musulman comme un monde homogène, des musulmans comme une population homogène, ce vocabulaire identitaire pose déjà problème. Et ce vocabulaire identitaire a eu sa place dans la science humaine à partir des années, plutôt des années 70. Ça veut dire avec la montée de l'islamisme, on peut repérer comment le langage des sciences, même dans la sociologie migratoire, par exemple, si vous prenez le cas de la France, on ne parlait pas des musulmans, on parlait des immigrations venant du Maroc, de l'Algérie, etc. Actuellement, depuis les années 80, on dit les musulmans, les autres. Donc, la religion devient un repère identitaire globalisant. Et c'est ça, l'islamisme aussi. L'islamisme comme une idéologie politique, puisqu'il y a un débat actuellement, quel est le rapport de l'islamisme avec l'islam? L'islam étant une religion qui pourrait être vécue différemment, l'islamisme c'est une idéologie politique qui se base et projette l'islam comme un projet politique. Après vous allez me dire, Chala, depuis le début l'islam a été politique, bien sûr, mais dans l'évolution de l'histoire de l'islam, il y a eu des différentes manières, comme a été dit à partir de différents exposés, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, etc. Il y a eu quand même des différentes interprétations, même par rapport au rapport politique et islam. Mais avec l'islamisme, on arrive à une uniformisation quelque part de ce rapport, de projection de l'islam comme une idéologie, comme un mouvement qui ferait de l'islam à la fois le passé, le présent et l'avenir de toutes les populations qui se revendiquent ou qui sont adhérents et qui adhèrent à une religion. Donc là, c'est quand même une perspective qui tranche avec les différentes formes de passé et donc c'est quelque part une perspective pour moi totalitaire, mais ça, je suis arrivée à cette pensée en analysant l'histoire iranienne, l'expérience iranienne. C'est pas seulement par la théorie, c'est que en revenant sur cette expérience, qui a d'ailleurs aussi formé mon exil, puisque c'est aussi ça croise aussi mon histoire personnelle, et je vous dis tout cela, pourquoi? Parce que je crois, comme dit Edgar Morin, que l'objectivité pure et dure dans la science humaine n'existe pas. Même dans la science dure, elle est questionnée, cette objectivité. Mais dans la science humaine, où le sujet et l'objet, c'est quand même l'être humain, groupe humain, la société humaine. De toute façon, la complexité est telle que nous ne pouvons pas revendiquer au nom de la science une position majoritaire et une position de vérité. On pourrait, par l'objectivité, vouloir approcher de cette vérité qu'on cherche en ayant deux critères, pour moi. D'ailleurs, pour moi, mais aussi c'est en référence aussi à la pensée complexe de Mora. Et aussi à la philosophie, aux différentes philosophes dont je nommerai pas puisque c'est pas ça le sujet. Donc les deux critères par rapport à l'objectivité, c'est premièrement d'où est-ce qu'on parle et deuxièmement quelles sont les références. Donc là, les références théoriques, je donnerai pas toutes les références théoriques, vous pouvez les trouver dans les livres, mais en fait l'idée, le point essentiel, c'est que cette objectivité que j'ai cherché, c'est à partir d'un regard interdisciplinaire. C'est pas la sociologie, même si j'ai un doctorat de sociologie, j'écris aussi des ouvrages sociologiques, mais c'est pas un regard forcément et sûrement et essentiellement sociologique, puisque là aussi la psychologie, la psychanalyse, l'histoire, la question de démographie, toutes les questions vient quand on parle des femmes et de la religion. La religion en soi, c'est une institution qui est à l'interaction avec le social, politique, et ça, on l'oublie. Souvent, on oublie et on fait comme si la religion, quelque part, excusez-moi le terme, tombe du ciel. Mais oui, pour ceux et celles qui croient à des différentes religion, mais même ceux et celles qui croient, comme vous l'aviez très bien dit, il faut toujours contextualiser et historiciser pour voir comment cette religion, cette croyance et les institutions qui l'ont accompagnée et son institutionnalisation a été créée à partir d'une histoire donnée et d'une société donnée. Et comment cette histoire et cette société ne sont pas immobiles. Hier, il y a eu le vidéo qui n'a pas pu être projeté pour les gens qui étaient dans la salle, de Nasser en Égypte, où il se moque de voile et les femmes rient avec, et les hommes rient avec. Et aujourd'hui, cette scène est impossible dans le même pays. Ça veut dire l'Égypte, c'est un pays, voilà, qui dure. Mais son histoire a évolué. Il y a quand même, donc, toute cette problématique qui nous a été imposée de regarder le monde musulman à travers l'Occident ou avec l'Occident, c'est une problématique qui ne résiste pas quand on regarde l'histoire interne de ce pays. Les pays, même la problématique de voile n'est pas du tout le même en Égypte même. Puisque hier on disait que peut-être ici c'est pas la même puisqu'il y a la laïcité et la démocratie. Non, moi je dis que même en Iran, la problématique de voile, si on prend seulement le 20e siècle, le 20e siècle, pas avant, c'est pas du tout le même symbole, c'est pas du tout, ça dit pas la même histoire. Donc c'est pourquoi je disais le voile comme miroir magique de la société, de l'histoire politique et sociale de la société. Donc en Iran, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui savent qu'en Iran, il y a le 20e siècle, l'Iran du 20e siècle était... On parle tout le temps d'une révolution qui a tourné l'islamiste. Mais on oublie souvent que l'Iran a été aussi le berceau et le foyer d'une autre révolution. Au début du 20e siècle, en 1906 à 1911, voilà l'approche historique qui est là pour nous contextualiser la chose, qui était appelée la révolution constitutionnelle. Et cette révolution constitutionnelle iranienne, la Mashrouteh, on dit en termes, voilà, ça a été les orientations de cette révolution étaient complètement antinomiques avec la révolution qui s'est faite en 1979. Dans le même pays, en espace de 8 décennies, presque 8, on a eu 2 révolutions importantes avec des orientations complètement antinomiques. C'est ça l'historicité, c'est ça les grands questionnements qui nous interpellent dans l'analyse de l'islamisme, les femmes, etc. Dans au début du siècle en Iran, dans cette révolution qui voulait le parlement et qui avait un regard très positif envers la Renaissance. En Europe, la question de la démocratie, la question des luttes sociales et politiques. Cet esprit révolutionnaire de la révolution constitutionnelle au début du XXe siècle était un esprit vers plutôt ouverture et avec les droits humains. Ceci étant, les femmes ont été exclues de résultats, ça veut dire, voilà, cette révolution a instauré le Parlement, mais les femmes ont été rangées dans les rangs des mineurs et n'ont pas eu le droit de citoyenneté, comme c'est arrivé pour la Révolution française en 1789. Donc, ce serait faux de penser que l'universalisme en Occident, c'est seulement abstrait. L'universalisme est très concret. Seulement, selon l'époque, la question des droits humains n'a pas toujours intégré l'universalisme, n'a pas toujours intégré les femmes sans les luttes. Ce qui renvoie quand même à l'universalité du patriarcat. Ça ne veut pas dire que l'Occident était plus mieux que nous ou nous, elle était plus mieux que l'Occident. Ça renvoie à un élément commun entre l'Occident et l'Orient, qui est la structure patriarcale. Ceci étant, la Révolution française, quand elle a sonné après la Révolution américaine, ou en Occident de manière générale, les questions de droits humains ont été posées avec la Renaissance. Effectivement, les femmes n'ont pas compté dans cette universalité, mais il y a eu un autre élément qui a fait que, dans la suite, les luttes sociales et politiques ont créé le féminisme. Cet élément était l'ouverture démocratique et la fin d'une identité sociétale qui s'impose par, comme dirait Alain Touraine, par exemple, pour le langage sociologique, des instances métasociales. Si une société se définit par une instance métasociale, ça veut dire une instance qui est au-delà de la société, que ce soit le roi absolu, que ce soit le dieu, l'instance divine, que ce soit le chef de tribu, que ce soit, voilà, n'importe quelle formule que vous prenez, cette instance métasociale domine la démocratie dans le sens de pouvoir au peuple. Puisque la démocratie, qu'est-ce qu'elle dit? Le pouvoir qui vient du peuple et va vers le peuple. Voilà, démocratie, c'est la Grèce antique. C'est pas du tout l'élite française, c'est-à-dire l'élite progressiste française ou ailleurs ont toujours allé en dehors aussi de leur pays de chercher des références. C'était pas leur pays, la Renaissance ou la question démocratique. Les Français d'avant-garde sont allés chercher en Grèce antique. Écoutez, c'est-à-dire l'identité n'était pas une chape de plomb qui va définir comment il faut réfléchir, quelles sont les références par rapport à l'évolution politique. C'est ça le problème. Et donc effectivement, quand vous regardez, vous voyez que cette ouverture a fait que la séparation entre la religion et l'État, la question de l'accès aux droits humains n'a pas eu la même trajectoire qu'en Turquie, où l'Atatürk a fait la même chose au début du siècle sans l'élément démocratique, sans qu'il y ait, avec l'autoritarisme. Est-ce que c'est clair le propos? C'est la même chose qui est arrivée en Iran. C'est en Iran, quand vous voyez par exemple, même dans l'exposé de Sophie, on l'a vu, les réformes de Bourguiba étaient les réformes très progressistes. On ne peut pas le nier. Elles ont changé le visage de la société tunisienne, comme elle l'a dit. Elles ont quand même sécularisé la société. On ne peut pas jeter le bébé avec le doba, mais il y a un élément manquant qui était l'autoritarisme. Et cet autoritarisme s'est appuyé sur l'identité religieuse. Ça veut dire sur l'identité islamique qui serait globalisée, d'où on ne pouvait pas sortir. Donc l'islam a été instrumentalisé pas seulement par les islamistes, avant avec les États dictatoriaux qui ne voulaient pas ouvrir, voilà, qui ne voulaient pas la citoyenneté démocratique. Elles se sont appuyées, que ce soit en Tunisie, au Maroc et en Algérie, sur l'identité religieuse. Donc ce n'est pas seulement les islamistes qui l'ont fait. On ne sort pas de cette problématique religieuse dans notre histoire contemporaine. Il y a un élan vers la liberté, il y a un élan vers la l'égalité, il y a un élan de la décolonisation qui s'exprime par l'histoire politique, mais il y a une chape de plomb de l'identité qui s'impose chaque fois qu'on voudrait couper cet élan-là. Et pas seulement par les islamistes qui viennent après, grâce d'ailleurs à cet autoritarisme, et aussi parce que le côté positif, lumière de ces réformes, c'est qu'il y a plus de liberté, il y a plus de droits. Le côté noir et obscur, c'est que les dictatures aident les islamistes, parce que face au danger de la gauche, et c'est pas que les dictatures, la guerre froide, dans l'ambiance de la guerre froide entre le rouge et l'autre, les pouvoirs occidentaux et les pouvoirs communistes, qui se disaient communistes, de toute façon, dans cette guerre froide, la stratégie de ceinture verte des pouvoirs occidentaux était aussi instrumentaliser les groupes religieux au profit de cette guerre froide. Donc si vous regardez le niveau international, la stratégie des pouvoirs à l'époque de l'instrumentalisation de religieux. Après, au niveau local, les dictatures qui s'appuient sur l'identité religieuse face au danger de l'opposition démocrate et de gauche. Et au niveau de l'intelligentsia, j'arrive, et en Iran, ça a été flagrant. Après, effectivement, la montée du mouvement islamiste en Iran, ça s'adapte pour moi, après une étude historique et politique, de l'après le coup d'État 1954 contre le gouvernement de Dr Mossadegh, qui était nationaliste et séculier. Voilà. Et dans ce coup d'État qui a été soutenu par les services secrets américains et britanniques et les pouvoirs occidentaux, il y a une évolution de paradigme des mouvements politiques en Iran qui nettement se sent. C'est que la gauche iranienne qui, avant cette période, était beaucoup vers le progrès, la renaissance, etc., devient complètement anti-Occident. Et l'Occident change de l'image. L'Occident est globalisé, comme l'islam est globalisé. L'Occident est globalisé sous l'angle de l'impérialisme. Ça veut dire l'Occident, qui était le berceau des expériences formatrices, comme féminisme, comme les droits démocratiques, La révolution française, la commune, après aussi la question de la laïcité. Tous ces valeurs-là changent de visage. Parce que l'Occident est globalisé dans ce contexte de dominance de colonisation, la question de la lutte anticoloniale et tout. Les intellectuels aussi commencent à rejeter le bébé avec l'eau de bain. Et le mouvement postmoderniste qui, en France ou dans l'Occident, théoriquement et philosophiquement, commence à naître et à se développer, est marqué par la dépression après le fascisme aussi, puisqu'en France, en Allemagne, la montée du fascisme hitlérien met en question radicalement la perspective de progrès, puisque effectivement, dans une société industrialisée où il y avait des mouvements très importants, des mouvements démocratiques, le fascisme tombe, le fascisme italien, le fascisme allemand, surtout le fascisme allemand. Et après, c'est le tour de stalinisme, le tour de communisme qui échoue. Toutes les idéologies qui donnent une perspective d'espoir échouent quelque part, reculent, et avec une montée des autres mouvements, effectivement, le mouvement de droite. Donc, dans cette espèce de vide idéologique, la montée de mouvements de l'islam politique, de l'islamisme, prospère. En Iran, ça prospère, alors que le gouvernement de Shah fait des réformes comme Bourguiba, pas aussi radicales que Bourguiba. En Iran, il y a eu le droit de vote aux femmes, bien sûr, la question d'avortement, la contraception a été reconnue, pas aussi, de manière aussi, voilà, c'était pas dans les années 50, 6, comme c'était en Tunisie, c'était en 61. En Iran, c'était plus tardivement dans les années 70, mais quand même, au début, à la fin de 60. Mais, ça veut dire, en fait, les réformes de Shah n'étaient pas n'importe quelle réforme. Et même le dévoilement obligatoire de Reza Shah en 1935, et qui, ça, il y a eu aussi un effet d'image, un effet d'optique qui, toujours dans nos pays, surtout de regard de quand les Occidentaux regardent, pas seulement les Occidentaux, même les Chinois et les autres, toutes les personnes qui sont à l'extérieur, quand ils regardent l'Iran, comme il y a un effet d'optique. C'est qu'on garde les images plutôt médiatiques. On a gardé un dévoilement en 1935. Après, on a gardé les voiles noirs des femmes dans les manifestations. Et aujourd'hui, on garde les filles qui se dévoilent. Mais entre les trois images, il se passe plein d'autres choses qui sont toujours réduites seulement à ces images médiatiques. Ce qui s'est passé en Iran, c'était quoi? C'est que avant que Reza Shah, le fondateur de la dynastie Pahlavi, avant qu'il fasse en 35 le dévoilement obligatoire et violent, c'est-à-dire par la force de choses, violent, c'est que dans les rues, les agents de police pourraient retirer le voile. C'est dans ce sens-là. Puisque de toute façon, toute réforme pour les droits des femmes pourrait être considérée comme violente puisque les gens ne le supportent pas. C'est pas de cette violence que je parle. Je parle du fait que ça a divisé la société iranienne. Il y a des femmes qui l'ont bien accueilli. Il faut le reconnaître. Ça, on le garde pas non plus. Il y a, dans l'image, c'est qu'il y a quand même des couches de la société qui ont accepté cette réforme. Et qui est allé quand même avec accès à l'éducation, avec l'ouverture de l'université, etc. Et il y a une partie des femmes qui l'ont vécu très mal. Mais ce qu'on oublie surtout par rapport à cette historicité, c'est qu'avant 1935, depuis la révolution constitutionnelle dans les années 20, il y a eu des femmes iraniennes progressistes qui se sont dévoilées elles-mêmes. Avant que le sultan le réclame. Et le sultan a dit que c'est lui-même qui l'a fait. Dans les discours de l'époque, on entend, il dit, moi je vous ai sauvé. Le sultan a sauvé les femmes. Alors que dans la société iranienne, il y a eu plein de groupes de femmes et plein d'associations à l'instar de cas tunisiens et de cas marocains. Tout au long du XXe siècle, les femmes ont milité pour avoir leurs droits. Et comme a dit Asma, c'est par rapport aux femmes séculières et laïques. Je ne sais pas si elle revendiquait. Par exemple, en Iran, les femmes qui, en 1928, on a eu la première revue féministe, c'est-à-dire de la Tabadi. Et il y a eu plein d'autres revues, il y a eu des associations, et c'était des femmes séculières, bien sûr. Mais quelque chose d'autre qui est important pour notre débat, c'est que ces femmes séculières se référaient aussi, faisaient une interprétation ouverte de l'islam, du Coran. Parce que ce n'était pas possible autrement. Parce que l'islam était dans la loi. Et ça, on l'oublie toujours. On l'oublie que cette démarche qu'on appelle maintenant à tort le féminisme islamique, puisque le féminisme islamique, comme a été, comme l'exposé de notre ami de l'ONS, qui est quand même parmi les organisateurs, Abbas Makram, moi je prononce très mal les mots, de toute façon les noms, donc voilà, Makram, il l'a dit, et c'était très important comme exposé à mon avis, puisque c'est quand même la normativité qui se déclare, c'est aussi dans l'histoire de l'islam, cette normativité n'était pas toujours la même. Et d'où l'importance de cette démarche de rénovation théologique, mais il faudrait faire séparer les champs. L'importance de rénovation théologique, c'est bien parce qu'il faut que ça accompagne les événements sociaux, mais on ne peut pas mélanger ça avec le fait que l'islam soit la source de la loi et la source de juridique. C'est deux choses différentes. Et comme a été d'ailleurs dit dans le théologien qui a fait ici un exposé aussi intéressant, il a dit à la fin, le Coran ne légifère pas. Ça, c'est très important de le marquer. Le Coran n'a rien légiféré, alors que l'institution islamique et la loi de Sharia prend le Coran comme la source de légifération. Et c'est ça qui est la source au problème. Mais sinon, effectivement qu'il faut interpréter, effectivement que même les premières féministes iraniennes ont toujours eu appel, même si c'était des laïcs, des gens séculières, pour discuter, ne serait-ce que pour discuter avec les instances de pouvoir, comme aujourd'hui au Maroc, les féministes séculiers le font, avaient besoin de cette ressource théologique. Ça, c'est très important. Mais il ne faut pas prendre cette ressource théologique comme une ressource juridique. C'est ce qui a été dit hier par le théologien. C'est deux choses différentes, c'est deux champs différents. Et tous ces champs-là ont été mélangés partout, et ici aussi en Iran, par un autre courant. Donc, je vous ai parlé des pouvoirs occidentaux, je vous ai parlé des dictatures qui ont instrumentalisé le religieux, et il y a eu aussi les défenseurs de charia qui ont toujours instrumentalisé le religieux par rapport au patriarcat, mais il y a eu aussi un autre phénomène qui est très important, qui était les penseurs modernistes islamistes. Et ça a été en Iran dans les années 60 à 80, avant la révolution, il y a eu des courants modernistes islamistes qui ont théorisé l'islam révolutionnaire, l'islamisme révolutionnaire. La figure la plus brillante qui avait fait ses études en Occident, Dr Shariati, qui était proche de Fanon, proche de Sartre, etc., qui a créé un mélange entre l'existentialisme, marxisme, et il a créé quand même une théorie qui a beaucoup influencé toute la jeunesse de classe moyenne. Puisqu'il ne faut pas oublier que dans la révolution iranienne, c'est les classes moyennes qui ont, au début de siècle, été contre l'islamisme. Les islamistes, au début de siècle, avaient échoué. Ils ont gagné dans des décennies après grâce à deux ou trois facteurs. Premièrement, la dictature de Shah qui a quand même laminé l'opposition, qui a donné tous les pouvoirs aux instances plutôt traditionnalistes, mais aussi la seule tribune libre était la mosquée, quelque part. Et les autres, il y avait des revues culturelles, il y avait un mouvement culturel très intéressant, des poétesses, des poètes, et ça je dis pas, puisque il faut rester juste quand même. Je dis pas que la liberté d'expression était, ou l'absence de la liberté d'expression était totale. Mais dans le domaine politique, les autres courants étaient laminés parce que c'était, voilà, une dictature. Alors, le choix, après les pouvoirs occidentaux avec leur stratégie de soutien des dictatures, et aussi à l'intérieur de la société, il y a eu quand même, comme a dit aussi Sophie, le patriarcat laisse des traces. Et les femmes ne sont pas, être femme ne vaccine pas. Comme l'être homme aussi, ça ne veut pas dire qu'on est forcément machiste. L'être femme, on pourrait être femme et machiste. On pourrait, c'est, la misogynie n'est pas quelque chose qui soit seulement approprié, voilà. Donc c'est, il faut revenir à une, quand même à une approche en termes des rapports sociaux de sexe. C'est pas la question de féminin et masculin seulement, c'est aussi le rapport de pouvoir. Et donc effectivement, dans cette histoire-là, il y a la une autre chose que je dois dire, que je l'ai conceptualisé en termes de la modernité mutilée. Modernité mutilée, à savoir une ouverture moderne de la société qui ne va pas avec les droits humains et démocratiques et la liberté. Ça veut dire en fait, toutes ces dictatures-là ont eu cette originalité d'accepter l'Occident, la progression occidentale, l'industrialisation, la question de modernisation, même les institutions comme l'école, le parlement, etc., sans pour autant accepter les valeurs de ce qu'on appelle les valeurs de la modernité qui n'ont pas de frontières, qui sont universelles, en fait, qui peuvent être nées, qui ont été nées en Occident, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont un acte de naissance occidentale. Comme la mathématique a été née en Orient, comme beaucoup des avancées d'humanité ont été nées en Orient, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont orientales. Mais on a encore une fois une confusion entre cette question de frontières et les valeurs, qui est quand même une confusion identitaire. Alors, effectivement, ce rejet de ces valeurs au nom de la lutte anticoloniale, ça a été un problème important qui est venu par tous ces éléments sociaux, qui étaient d'ailleurs aussi hier à Abbas Makram, elle a dit, de toute façon, les post-coloniaux, les mouvements post-coloniaux ont voulu marquer, ou veulent toujours marquer une identité anticoloniale. Mais cette identité anticoloniale, tout à fait honorable, ne doit pas aller à comment imposer des frontières identitaires aux valeurs. C'est ça où le problème devient grave. Et c'est là où nous avons été victimes de ce nouveau paradigme qui voudrait chercher dans une identité notre passé, notre présent et notre avenir. C'est le paradigme du féminisme islamique. Ça veut dire, en fait, on explique tout par la religion, alors que la religion, c'est une partie de la culture. Que ce soit dans n'importe quel pays, en Iran aussi, la même chose, la religion n'explique pas toute l'identité d'un peuple. C'est une partie de son identité. C'est pourquoi, d'ailleurs, la démarche théologienne novateur est bienvenue. N'est pas parce que le théologien est le chef politique, n'est pas à cause de ça, comme a été dit hier, n'est pas parce que le théologien doit légiférer. Non, pas à cause de ça. À cause du fait que la législation, la politique, l'histoire, le juridique ne peuvent pas être dissociés de cette dimension de la culture. Et c'est là où le paradigme du féminisme islamique pêche par une approche identitaire. C'est pas parce que cette approche, en réalité, a existé toujours dans ce pays, les féministes marocains, les féministes tunisiens, les féministes iraniens ont fait toujours le recours à l'interprétation, obligatoirement, puisqu'il était dans une négociation permanente. Mais en faire un paradigme nouveau qui expliquerait la voie à toutes les femmes musulmanes du monde, ça pêche par cette globalisation identitaire. Tout comme, de l'autre côté, réduire l'Occident à la démocratie, c'est nier qu'en Occident même, il existe un mouvement antidémocratique qui lutte contre la démocratie. Et je finirai par dire, puisque je travaille aussi dans le contexte français, qu'aujourd'hui, ce retour de religieux dans la politique, ce n'est pas que l'islamiste. C'est aussi les évangélistes, c'est aussi l'intégrisme juif en Israël, puisque c'est plus contextualisé. C'est aussi même chez les bouddhistes, quand il y a un bouddhiste, même le bouddhisme qui n'est pas une religion par excellence, c'est une démarche. Quand elle devient une idéologie, la répression est là. Donc effectivement, ce retour dans le religieux est devenu le moteur, comme pour l'islamisme, des mouvements néoconservateurs. Moi, je les appelle les néoconservateurs, passéistes. Les néoconservateurs dont l'originalité est le point commun, même s'ils peuvent être en guerre ensemble, est d'être antidémocratiques. Antidémocratiques, non pas dans le sens de la démocratie qui se réduirait à une élection. Et comme aujourd'hui est de courant dans certains mouvements de dire la démocratie illibérale. Non, tous ces concepts, c'est vraiment des concepts qui ont été créés dans les labos qui, à mon avis, quelque part, essayent de couper. Chez nous, les Iraniens, on dit, on coupe parfois les pieds pour rentrer dans une chaussure qu'on a déjà achetée. Donc c'est un peu comme ça, c'est-à-dire couper de la réalité, ne pas regarder, ne pas analyser la réalité pour que ça rentre dans nos théorisations. Non, la démocratie illibérale, ça veut dire quoi? Le libéralisme politique, c'est pas la même chose que le libéralisme économique. Le libéralisme économique ou le libéralisme extrême, ça s'appelle le capitalisme. La démocratie n'est pas forcément le capitalisme. Comme, par exemple, depuis la Chine jusqu'ici, partout dans le monde, tous les systèmes sont capitalistes. Est-ce que partout il y a les droits humains respectés? Partout il y a les valeurs démocratiques acceptées? Donc, je finis par dire que par toutes ces histoires le renversement de paradigme démocratique et ce rapport entre religieux, politique et société a été perverti pour deux confusions essentielles et qui n'est pas seulement liée par rapport à l'islamisme. Toutes les religions peuvent le faire. Mais maintenant, on parle de l'islamisme ici. Donc, la confusion entre la globalisation de l'Occident et la globalisation de l'islam, la confusion entre la démocratie et le capitalisme, et la confusion entre l'Occident et l'impérialisme. Alors, effectivement, tous ces renversements de paradigme nous ont amenés à un contexte très complexe où les démarches même de théologie novateur vont être prises en piège de ces perspectives identitaires. Donc, si on voudrait en sortir, il faudrait sortir de cette perspective identitaire qui fait la norme. Merci beaucoup.